Info, les informations techniques. Mathieu Giroux. Un développeur est licencié après avoir automatisé ses tâches de programmation. Il glanait pendant 6 ans. Il découvre ainsi qu'il ne sait plus écrire un bon programme. France, le gouvernement s'oppose à nouveau à la protection des lanceurs d'alerte lors d'une discussion sur un projet de loi à l'Assemblée nationale. Un groupe de travail du Parlement européen estime que le développement de la robotique et l'IA menace l'emploi, mais en plus l'employé mis au chômage ne pourra plus payer de cotisations sociales. Cela crée donc un manque à gagner qui, selon le groupe, doit être financé par les robots et l'IA. France, les candidats à la session du brevet 2017 devront résoudre des exercices algorithmiques lors de l'épreuve de mathématiques et technologies. La Chine a construit un supercalculateur ayant un pic de performance de 124 pétaflops. Ce nom est Taiyu Light, est le plus puissant superordinateur au monde. Foxconn, financé par Google, remplace les salariés de Samsung et Apple par des robots à 30 000 euros l'unité, rappelant qu'un robot ne peut pas trouver. C'était Tech Info.